Yeah. What up, Pedro? You know what I'm saying? Ill-spoken from Brooklyn, New York City. Just dropping in to get some of that good stuff, feel me? Reminisce a little bit, you know what I mean? Take it back how we used to be. Let's do it. Je me souviens à l'époque, on était tricards, on traînait avec les potes, on volait des steaks et du ricard au spar du coin. Et quand venait le soir, qu'un pélo me disait j'ai besoin, je lui filais un bout de vin contre 60$, 40€ de bénéf sur un bout à 3 grammes. Pour nous c'était BZF, ça nous rendait heureux. On achetait du whisky et on rappait un peu des freestyles à l'ancienne, sans aligner de ligne. On sortait à l'envers pour attraper les filles quand y'en n'avait pas frère. On repeignait la ville sur la base d'esquisse, veto, stylo à reproduite à la bombe sur les murs, toujours un peu trop gris. Des lycées, des mairies et des commissariats à qui ferait le plus flag pour toujours plus de primes avant que la mort nous plaque. Fallait bien qu'on s'anime. Puis un jour y'a eu des platines. Le premier set de Riffas faisait fuir le tapis. Puis les premières phases, texte de Pedro, nos blagues. Toute l'équipe hallucine sur cette vibe assassine. Et on se disait qu'un jour we will be on the scene. Je me souviens à l'époque, on voulait des Oscars. On traînait avec les potes en attendant d'être star à la boîte du coin. Et quand venait le soir, qu'une meuf me disait j'ai besoin, je lui filais un coup de rein contre la baignoire. Enlève ton baignoire, viens fais-moi voir, laisse la lumière allumée, ça ne sert à rien dans le noir. On voulait tous y croire à la première venue, mais on s'est fait avoir. L'amour ne vient pas tout cru, on a connu toutes les morues et chaque sorte de pintade qui sont crues des grands crus, alors qu'elles sont juste des vintables. Elles nous traitaient de minables, on avait rien pour plaire, pas beau avec que dalle. Mais on faisait les fiers, tempérament instable. On s'en battait les boules, beaucoup on lâchait la soule avant la terminale. Mais t'inquiète pour moi tout roule, j'irai rouler ma boule là où personne s'installe. On ira vivre à la cool, perdu dans la campagne. Peut-être qu'on vivra à poil, mais on collait à la ville, à son pavé, son bagne. C'était notre pays de cocaïne, même si on avait un rien, on en faisait une montagne. Je me souviens à l'époque, on avait de l'espoir. On traînait avec les potes, on se racontait des histoires au square du coin. Et quand venait le soir, qu'un pote me disait j'ai besoin, je disais t'inquiète, on est bien. Et je lui filais le pétard, toujours les mêmes lascars, assis sur le même banc, à côté du même arbre. Ensemble c'était l'équipe, on sentait intouchable, malgré quelques excentriques complètement insortables. Premier set, première scène, première mixtape, on se croyait imbattable. Les autres MC faisaient tiers, viens t'asseoir à la table. S'il y a rien, on partage toute l'année, on patauge vivement qu'arrive l'été. On guettera les types qui ont eu le permis et on trouvera une caisse pour changer d'air. Oui, on ira à la plage s'allonger sur le sable. On finissait à 6, entassés dans une 106, en short et en sandales. Ça nous changeait un peu du panier à salade, des étoiles dans les yeux. On parlait de nos futurs mariages, de nos futurs enfants, de comment on sera quand on sera grands-parents. Je me souviens à l'époque, on n'avait qu'un seul cœur. On traînait avec les potes, on se connaissait par cœur, de coin en coin. Et quand venait le soir, que je me disais j'ai besoin, je passais les îles que j'aimais bien pour chasser mes cauchemars. Le Wu-Tang, I am gangstar, Oxmo, la mafia qu'un fric, et toutes les sortes de sons qui peuvent chasser le cafard. Aretha Franklin, Billy Holiday, Miles Davis, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Otis Redding. On se disait que rien ne pouvait briser la team, on avait peur de rien, on se prenait pour des kings, jusqu'à ce que Riffas tombe du ring et rejoigne le ciel. On a tous bien compris que la mort n'a rien de potentiel et qu'un souffle suffit pour te faire pousser des ailes. Et toi l'ami qui faisait beau, t'aurais dû t'étouffer avec un brin de sel. Au lieu de ça tu nous as tout fait, saucisses fermées, amandes. Après ça comment voulais-tu qu'on s'entende? Je ne pourrais me détendre qu'à l'heure de ton trépas. Même quand on est au plus bas, on peut toujours descendre. Il faut mener le combat de janvier à décembre. When you're a kid, things seem like they're gonna last forever, but they're not. Life changes. You won't always be around. Someday you're gonna die. Someday pretty soon. And when you're laying in that hospital bed with tubes up your nose and that little pan under your butt to pee in, I'll come visit you. I'll come just to show you that I'm still alive and I'm still happy. And you'll die, being nothing but you.